Yo, la science, yo, she knows, Vénus, yo, Jax, dis quoi, yo, il faut s'infiltrer dans la brèche, les gars. Le micro-manie, on dans la crosse, avec plein de faux filons, laissant des droits, des traces sur le sillon, marquant l'époque, chaque jour profilons, mais rien de tout ça vogue. Le temps passe et la jeunesse en laissant l'état de choc. Beaucoup disparaissent, prise à cause. Les conditions sont dures, tenaces, il faut être dans la grotte. Cigale, vrai et froisse, les plus gros chocs. J'éclaircis, je rate la roche, sans marque au piqueur. Dans l'underground, grand vide, pioche avec mon parqueur. Sur l'héritage, un char à un croc contre un marqueur. Et crash l'ange sur les post-it, car l'air maker. Asphyxié, moi tu buzz et le vainqueur. Tu m'entends pas, donc tu oublies qu'il y a la rime de tueur. Mister Z, tu me connais pas, gamin. T'es tapé sur ta main, te rappelle ça, gamin. Yeah, là tu m'entends. Apprécie, ne prends pas peur. Longtemps que je cravache, rate la roche depuis mineur. Technique, phase, anti-crisou, je suis pas un amateur. Cours après le beurre, l'argent, les racines peuvent voir les fleurs. Mon amour de l'ombre m'empêche, mais on jure de ne pas faire de lèche. Même si on est dans la neige, on a toujours la fraîche. Ce qu'il nous faut, c'est une personne de mèche pour bien placer la mèche. On appuie sur les dettes, on attend pour exploser la brèche. Le micro, manie, on dans la crosse. Avec plein de faux filons, laissant des droits, des traces sur le sillon, marquant l'époque. Chaque jour, profilons, mais rien de tout ça vogue. Le temps passe et la jeunesse en laissant l'état de choc. Beaucoup disparaissent, prise à cause. Les conditions sont dures, tenaces, il faut être dans la grotte. Cigale, vrai et froisse, les plus gros frères. Là où il fait sombre, là où trop on les crocs. Grotte éclairée de pénombre, remplie traître et d'escrocs. Quelques mecs bien que ça et tous veulent quitter le paquebot. Redouble de vie sous travail pour atteindre l'autre monde, bodo. On y trouve ses cas, dites si je veux pas m'attarder. Je m'emballe et moi ce que je vois, c'est celui qui est pas seul. J'ai le faisceau qui éclaire la place, brave qui a surface. Qu'on est comme des poissons dans la mare, se battant dans la nasse. Des fous, moi je veux Albert, il compte de Bill Cosby, une pure baraque à Kingston et ma famille hors souci. Mon skill, demain Inch'Allah paiera mes kills. Unstoppable comme Gatsby, même seul contre mille. Donc je me concentre sur ma bille fraîche, sec même sous stress. L'instru je pète, la tune comme bombe pour la brèche. Est-ce que ça le fait? La preuve c'est que tu m'entends. Avec Sky ou chez nos Afrikan ici, elle. On joue de l'ombre, on pêche, mais on jure de ne pas faire de lèche. Même si on est dans la neige, on a toujours la fraîche. Ce qu'il nous faut, c'est une personne de mèche pour bien placer la mèche. On appuie sur les dettes, on attend pour exploser la brèche. Le micro, manie, on dans la crosse. Avec plein de faux filons, laissant des droits, des traces sur le sillon, marquant l'époque. Chaque jour, profilons, mais rien de tout ça vogue. Le temps passe et la jeunesse en laissant l'état de choc. Beaucoup disparaissent, prise à cause. Les conditions sont dures, tenaces, il faut être dans la grotte. La cigale, vrai et froisse, les plus gros blocs. On avance, on tombe toujours nan avec le même mur. On essaie de faire passer du gros sang dans une petite fissure. Plus les gros, plus c'est dur, dur, ça fait notre allure sûre. Même sans qu'on a l'extérieur aujourd'hui sous toutes ces coutures. Prisonnés dehors, nous voulons faire le mur. Envahir les barques et faire sauter la censure. L'instant c'est poussière et sûr, mais pour le futur, on espère que ça nous permettra de payer toutes nos factures. Le micro, manie, on dans la crosse. Avec plein de faux filons, laissant des droits, des traces sur le sillon, marquant l'époque. Chaque jour, profilons, mais rien de tout ça vogue. Le temps passe et la jeunesse en laissant l'état de choc. Beaucoup disparaissent, prise à cause. Les conditions sont dures, tenaces, il faut être dans la grotte. La cigale, vrai et froisse, les plus gros blocs. Le micro, manie, on dans la crosse. Avec plein de faux filons, laissant des droits, des traces sur le sillon, marquant l'époque. Chaque jour, profilons, mais rien de tout ça vogue. Le temps passe et la jeunesse en laissant l'état de choc. Beaucoup disparaissent, prise à cause. Les conditions sont dures, tenaces, il faut être dans la grotte. La cigale, vrai et froisse, les plus gros blocs.